Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. De l'Eucharistie. Explication. Nous sommes amenés, par la suite des matières, à traiter du sacrement de l'Eucharistie, dont nous étudierons la nature, la matière, la forme, les effets, l'usage par la communion, le ministre, et le rite, ce qui nous fournira l'occasion d'expliquer les cérémonies de la messe. Question 73. Du sacrement de l'Eucharistie considéré dans sa nature. Pourquoi l'Eucharistie prend rang parmi les sacrements? Unité de ce sacrement, sa nécessité pour le salut, nom divers qu'on lui donne. Son institution, l'agneau pascal était sa principale figure. 1. L'Eucharistie est-elle un sacrement? Dans une oraison que nous récitons à la messe, nous disons que ce sacrement, qui est le vôtre, nous préserve de tout châtiment. Subvenir aux besoins de l'homme dans la vie spirituelle, qui, comme nous l'avons dit, a beaucoup d'analogies avec la vie corporelle, telle est la fin des sacrements de l'Église. Or, si la vie de notre corps, outre la génération et la croissance, exige la nutrition, il ne suffit point non plus à notre âme de naître spirituellement par le baptême, ni d'obtenir la croissance spirituelle par la confirmation. Il lui faut un sacrement qui soit son aliment spirituel, l'Eucharistie. Note. On dira peut-être que, la confirmation étant un sacrement, l'Eucharistie, qui a, comme elle, pour but de perfectionner l'homme, n'en est pas un, deux sacrements ne pouvant avoir la même fin. Mais il y a deux sortes de perfection, l'une est en nous-mêmes, et nous y arrivons par la croissance, voilà celle que donne la confirmation. L'autre nous vient des principes extrinsèques qui nous environnent, de la nourriture, des vêtements et des autres choses pareilles, propres à nous conserver la vie. Telle est celle que donne l'Eucharistie, véritable nourriture de notre âme. La confirmation et l'Eucharistie n'ont donc pas précisément le même but. Vainement on objecterait que, dans les sacrements de la loi nouvelle, le signe sensible produit l'effet invisible, tandis que, dans l'Eucharistie, les espèces du pain et du vin, qui tombent sous les sens, ne produisent ni le vrai corps du Christ, à la fois chose et sacrement, ni son corps mystique, uniquement chose de ce sacrement. L'eau baptismale, par exemple, produit un effet spirituel, non parce qu'elle est de l'eau, mais à cause de la vertu du Saint-Esprit qui est en elle. Ce que la vertu de l'Esprit-Saint est à l'eau du baptême, le véritable corps du Christ l'est aux espèces du pain et du vin, qui ne produisent quelque chose que par sa vertu. Il y a cette différence entre l'Eucharistie et les autres sacrements, que le corps du Christ, qu'elle contient, est absolument sacré, au lieu que ce qui est sacré dans les autres, par exemple l'eau dans le baptême, ne l'est que par rapport à autre chose. Le sacrement de l'Eucharistie existe par le fait même de la consécration, c'est ce qui le distingue de tous les autres, qui ne reçoivent leur être qu'à l'instant où leur matière est appliquée à l'homme pour le sanctifier. Fin de la note. 2. L'Eucharistie est-elle un seul sacrement ou plusieurs? Quoique l'Eucharistie ait, pour ainsi dire, deux matières et deux signes, à savoir le pain et le vin qui sont l'objet d'une double consécration, elle n'en est pas moins un seul sacrement, par la raison que la nourriture spirituelle est le breuvage spirituel dont notre Seigneur a parlé en disant « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage, Jean 6, 56 concourt à produire une seule réfection de l'âme. Comme l'aliment sec et l'aliment liquide produisent une même fin, qui est la réfection du corps, ainsi ce sacrement est un par l'unité de la réfection de l'âme. 3. L'Eucharistie est-elle de nécessité de salut? Ne croyez pas, écrivait saint Augustin à Boniface, que les enfants ne puissent pas être sauvés sans avoir reçu le corps et le sang du Christ. Il faut distinguer dans l'Eucharistie le sacrement et la chose du sacrement. La chose de ce sacrement, nous l'avons vu, n'est autre que l'unité du corps mystique auquel on doit appartenir pour être sauvé, puisqu'il n'y a pas de salut hors de l'Église, dont l'arche de Noé fut autrefois la figure. Mais il a été dit plus haut que, avant la réception même d'un sacrement, on peut en avoir la chose, par le désir de le recevoir. Avant donc de s'approcher de l'Eucharistie, l'homme, qui en a formé le vœu, peut par cela même obtenir le salut, comme on l'obtient, avant le baptême, par le désir seul du baptême. Mais, ici, il importe de remarquer une double différence entre ces deux sacrements. Le baptême est le principe de la vie spirituelle et la porte des sacrements. Il est nécessaire de le recevoir pour commencer à vivre spirituellement. L'Eucharistie étant nécessaire seulement pour consommer la vie spirituelle, et non absolument pour la donner, il suffit au salut de la recevoir par le vœu, à la façon d'une fin que l'on possède par le désir et par l'intention. Voici l'autre différence. Si le baptême dispose l'homme relativement à l'Eucharistie, l'Église, en le donnant aux enfants, les y prépare, et, de même que les enfants baptisés croient par la foi de l'Église, ils désirent pareillement le sacrement de l'Eucharistie par l'intention de l'Église. Ils en reçoivent, par conséquent, la chose. Le baptême, au contraire, n'étant précédé d'aucun sacrement, les enfants, avant de le recevoir, n'en ont aucunement le vœu, dont les adultes sont seuls capables. Ils ne peuvent conséquemment recevoir la chose du sacrement en dehors du sacrement lui-même. Pour ces deux motifs, l'Eucharistie n'est pas de nécessité de salut, de la même manière que le baptême. Note. Je sais bien que notre Seigneur a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Jean 6. Mais, selon la remarque de saint Augustin, chaque fidèle devient participant du corps et du sang du Seigneur le jour où le baptême l'incorpore à Jésus-Christ comme membre de son corps mystique. Fin de la note. 4. Convient-il de donner plusieurs noms à l'Eucharistie? Le sacrement de l'Eucharistie, par ses rapports avec le passé, le présent et l'avenir, nous offrant une triple signification, il convient de l'appeler, premièrement sacrifice, en tant qu'il est le mémorial de la passion de Jésus-Christ, qui fut un vrai sacrifice. Deuxièmement communion, tant parce qu'il nous rend participants de la chair et de la divinité de Jésus-Christ avec lequel il nous met en communication, que parce qu'il représente l'unité de l'Église, dans laquelle il agrège les hommes et les fait communiquer ensemble, en les unissant les uns aux autres. Troisièmement viatique, car tout en figurant par avance la possession de Dieu qui nous sera donnée dans le ciel, il nous procure un secours pour arriver à notre patrie. Quatrièmement Eucharistie, c'est-à-dire bonne grâce, soit parce que la vie éternelle, dont il est le gage, est une grâce, soit parce qu'il contient Jésus-Christ, qui est plein de grâce. Ce sacrement est encore nommé hostie, en tant qu'il contient la personne même du Christ, que saint Paul appelle l'hostie du salut. 5. L'institution de l'Eucharistie a-t-elle été convenable? Il convenait que le Christ, dont il est écrit, « Il a bien fait toutes choses », Marc 7, 37, institua la Sainte Eucharistie dans la scène, où, pour la dernière fois, il se trouvait avec ses disciples. Premièrement, il est contenu lui-même dans ce sacrement, et c'est pourquoi, sur le point de priver ses disciples de sa forme visible, il se donna réellement à eux sous l'espèce sacramentelle, afin que, selon les expressions d'Eusebdémèse, nous puissions honorer perpétuellement, sous le voile d'un mystère, ce qu'il offrait une fois pour notre rédemption. Deuxièmement, personne n'a jamais pu être sauvé sans la foi à sa passion, suivant cette parole de saint Paul, Dieu l'a proposé comme une victime de propitiation à ceux qui auraient foi en son sang. Romains 3, 25. Il a fallu dès lors qu'à toutes les époques, sa passion fût représentée par quelques signes. Elle le fut, sous l'Ancien Testament, par l'agneau pascal, et c'est ce qui a fait dire à l'apôtre, le Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7. Elle l'est, dans le Nouveau Testament, par le sacrement de l'Eucharistie, qui la rappelle comme accomplie, tandis que l'agneau pascal la figurait par avance. Ce ne fut pas sans motif, on le voit, qu'au moment où elle allait avoir lieu, le Sauveur substitua ce nouveau sacrement à l'ancien qu'il venait de célébrer. Les ombres, dit très bien saint Léon, devaient disparaître en face de la réalité. Troisièmement, les dernières paroles d'un ami qui s'éloigne se gravent mieux dans notre mémoire, à ce moment surtout, notre affection devient plus intense, et notre âme retient davantage ce qui la touche profondément. Or rien de plus grand que le corps et le sang du Christ ne pouvait être offert en sacrifice. Aussi, pour faire sentir la profondeur d'un tel sacrement et lui concilier la plus grande vénération, le Seigneur voulut-il l'instituer à l'heure suprême où il allait partir pour le calvaire. Note. Les uns diront que l'institution de l'Eucharistie n'aurait pas dû être différée jusqu'à ce moment, les autres, qu'elle ne devait pas avoir lieu avant la Passion, dont elle est le mémorial. Aux premiers on répondra qu'il était impossible que l'Eucharistie fût instituée avant l'incarnation, parce qu'étant le sacrement parfait de la Passion du Christ, elle devait contenir sa personne même qui a souffert. Au second, qu'elle a été instituée pendant la scène, pour être à l'avenir le mémorial de la passion accomplie, et que, pour le faire bien entendre, le Sauveur dit expressément, en parlant au futur, toutes les fois que vous ferez ceci. Fin de la note. 6. L'agneau pascal était-il la principale figure de l'Eucharistie? Melchisédek, le pain et le vin qu'il offrit, les sacrifices anciens, et surtout celui de l'expiation, la manne descendue du ciel, annonçaient, dans leur ensemble, l'Eucharistie, la personne même de Jésus-Christ et l'effet de l'Eucharistie, qui est de nourrir nos âmes. Mais aucune figure ne fut plus expresse que l'agneau pascal, qui, lui seul, représentait le sacrement de l'Eucharistie sous toutes ses faces, tellement que saint Paul a pu dire, « Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. » 1 Corinthiens 5, 7. Il figurait, d'abord, les espèces sacramentelles, car on le mangeait avec du pain azyme, ensuite le corps du Christ, immolé comme un innocent agneau, enfin l'effet de l'Eucharistie, qui est de protéger les chrétiens par le sang du Christ, comme il protégea les Israélites contre l'ange exterminateur. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.